Vous savez quoi, j'ai ramené du piment pour faire doper le rap français. Comme j'ai ramené un remède pour ceux qui ne savent pas danser. Au niveau le level très haut, difficile de me détrôner en quelques mesures. J'ai déshabillé ton flow lyrics erroné. Y'a un cadavre dans mon dîner, j'ai tué un fake MC. Je fais à la va-vite très glow comme Your Black Percy. Non merci, tu peux retourner en studio, mon sang vient du Cameroun. Un jour tu vas finir à poil comme dans une vidéo Cameroun. Le bitume est le reflet de la réalité française. La mort se trouve aux 36 rues quai des Orfèvres. Quand tu sors ton scud, ne le repousse surtout pas, car le black terroriste a calé des mines pour baiser ton courage. La violence est partout, ne t'arrête pas sur Harlem. Un jour tu vas finir sous coke comme Shine qui s'est barré à Jérusalem. Au starting block je défonce ton score sans mauvais départ. Je crois qu'il manque de goût dans ton game, il faut des chétanes. Je ne suis que le masque, mais c'est qui ce masque noir? Papa 6 cocktail molotov. Je ne suis qu'un enfoiré, mais c'est qui cet enfoiré? Papa 6 cocktail molotov. Je ne suis que le masque, mais c'est qui ce masque noir? Papa 6 cocktail molotov. Je ne suis qu'un enfoiré, mais c'est qui cet enfoiré? Papa 6 cocktail molotov. Tu t'es habillé en moulant comme Ricky et Martin. Des PD ont monté une ligue qui s'appelle Titi Karting. Voilà des verres trash, pas besoin d'un calage quand je crache. Putain tu fais tâche, à coup de hache je t'attache et te retache. Mon pote, on porte notre âge contre les faux et les traîtres. Ne fais jamais la différence entre les fous et les bêtes. Ce que tu écoutes est original, ce n'est pas la version platinum. Une plume, une feuille, un casque, un mic, c'est le maximum. Je ne serai jamais aux victoires de la musique. Je reviens à la charge, quitte à faire fuir les puristes. C'est vrai que j'ai incité à la violence sur Brignol. J'espère que les deux tarés vont faire de nouvelles brignoles. À ce tarif, je sais qu'il est gore ce jeu. La chaise électrique est pour Brice Hortefeu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mis à part que tout va mal. Le rap français n'est pas bien, normal, il est halal. Je ne suis que le masque, mais c'est qui ce masque noir? Papa 6 cocktail molotov. Je ne suis qu'un enfoiré, mais c'est qui cet enfoiré? Papa 6 cocktail molotov. Je ne suis que le masque, mais c'est qui ce masque noir? Papa 6 cocktail molotov. Je ne suis qu'un enfoiré, mais c'est qui cet enfoiré? Papa 6 cocktail molotov. La jet set a le vent en poupe, nique l'énergie music award. J'ai le profil pour remporter un ennemi public award. Joueur professionnel comme un joueur de Chelsea. Tu me verras peut-être un jour à l'affiche remplir la salle Bercy. T'es game over car je suis le Super Mario. En tout cas il faut passer sous le bureau pour passer ton son en radio. Le top album tombe mais je ne vois pas ta mère dans flop. Ne viens pas me voir si j'ai mis ta mère en cloque. Je ne suis pas tombé dans le rap par accident. T'as plus qu'à retourner au vestiaire après la mi-temps. Tu roules en BMW, t'es à côté de la plaque. Moi je m'en bats les couilles, je reste le même quand je traîne dans la strasse. La strada t'éduque car ton effort reste une lutte. Ça sent l'enfer, normal que tu flippes comme une pute. Si tu es au sol, c'est que mon son t'a mis dans le coma. J'ai la rage comme trauma car j'ai foutu à poil Sosa. Tu pleures comme une rivière en regardant la petite sirène. Ramène ton derbouka que je danse sur du Magic System. Je ne suis que le masque, mais c'est qui ce masque noir? Papa 6 cocktail molotov. Je ne suis qu'un enfoiré, mais c'est qui cet enfoiré? Papa 6 cocktail molotov. Je ne suis que le masque, mais c'est qui ce masque noir? Papa 6 cocktail molotov. Je ne suis qu'un enfoiré, mais c'est qui cet enfoiré? Papa 6 cocktail molotov.